En Islande, chapitre 5. On eût dit que toutes les passions avaient agité son cœur, et que toutes l'avaient abandonné. Il ne lui restait rien que le coup d'œil triste et perçant d'un homme consommé dans la connaissance des hommes, et qui voyait, d'un regard, où tendait chaque chose. Schiller, Les Visions. Quand, après avoir fait parcourir à l'étranger les escaliers en spirale et les hautes salles du donjon du lion de Schleswig, l'huissier lui ouvrit enfin la porte de l'appartement où se trouvait celui qu'il cherchait, la première parole qui frappa les oreilles du jeune homme fut encore celle-ci. « Est-ce enfin le capitaine Dispolsen ?» Celui qui faisait cette question était un vieillard, assis le dos tourné à la porte, les coudes appuyés sur une table de travail et le front appuyé sur ses mains. Il était revêtu d'une simarre de laine noire, et l'on apercevait, au-dessus d'un lit placé à une extrémité de la chambre, un écusson brisé autour duquel étaient suspendus les colliers rompus des ordres de l'éléphant et de Dannebrog. Une couronne de comte renversée était fixée au-dessous de l'écusson, et les deux fragments d'une main de justice, liés en croix, complétaient l'ensemble de ces bizarres ornements. Le vieillard était Schumacher. « Non, seigneur, répondit l'huissier. Puis il dit à l'étranger, « Voici le prisonnier. » Et les laissant ensemble, il referma la porte, avant d'avoir pu entendre la voix aigre du vieillard qui disait « Si ce n'est pas le capitaine, je ne veux voir personne. » L'étranger, à ces mots, resta debout près de la porte. Et le prisonnier, se croyant seul, car il ne s'était pas un moment détourné, retomba dans sa silencieuse rêverie. Tout à coup, il s'écria « Le capitaine m'a certainement abandonné et trahi. Les hommes sont comme ce glaçon qu'un arabe prit pour un diamant. Il le serra précieusement dans son havresac, et quand il le chercha, il ne trouva même plus un peu d'eau. « Je ne suis pas de ces hommes, » dit l'étranger. Schumacher se leva brusquement. « Qui est ici? Qui m'écoute? Est-ce quelque misérable suppôt de ce Guldenlew ?»« Ne parlez point mal du vice-roi, seigneur comte. »« Seigneur comte, est-ce pour me flatter que vous m'appelez ainsi? Vous perdez vos peines, je ne suis plus puissant. » »« Celui qui vous parle ne vous a jamais connu puissant et n'en est pas moins votre ami. » « C'est qu'il espère encore quelque chose de moi. Les souvenirs que l'on conserve aux malheureux se mesurent toujours aux espérances qui en restent. » « C'est moi qui devrais me plaindre, noble comte, car je me suis souvenu de vous, et vous m'avez oublié. Je suis ordinaire. » Un éclair de joie passa dans les tristes yeux du vieillard, et un sourire, qu'il ne put réprimer, entr'ouvrit sa barbe blanche, comme le rayon qui perce un nuage. « Ordinaire, soyez le bienvenu, voyageur ordinaire. Mille vœux de bonheur au voyageur qui se souvient du prisonnier. » « Mais, demanda ordinaire, vous m'aviez donc oublié ?»« Je vous avais oublié, dit Schumacher, reprenant son air sombre, comme on oublie la brise qui nous rafraîchit et qui passe. Heureux lorsqu'elle ne devient pas l'ouragan qui nous renverse. Comte de Griffenfeld, reprit le jeune homme, vous ne comptiez donc pas sur mon retour? Le vieux Schumacher n'y comptait pas, mais il y a ici une jeune fille qui me faisait remarquer aujourd'hui même qu'il y avait eu, le 8 mai dernier, un an que vous étiez absent. Ordinaire tressaillit. « Quoi, grand Dieu, serait-ce votre est-elle, noble comte ?»« Et qui donc ?»« Votre fille, seigneur, a daigné compter les mois depuis mon départ. Oh, combien j'ai passé de tristes journées. J'ai visité toute la Norvège, depuis Christiania jusqu'à Vardus. Mais c'est vers Drontein que mes courses me ramenaient toujours. » Usez de votre liberté, jeune homme, tant que vous en jouissez. Mais dites-moi donc enfin qui vous êtes. Je voudrais, ordinaire, vous connaître sous un autre nom. Le fils d'un de mes mortels ennemis s'appelle ordinaire. Peut-être, seigneur comte, ce mortel ennemi a-t-il plus de bienveillance pour vous que vous n'en avez pour lui. Vous éludez ma question, mais gardez votre secret. J'apprendrai peut-être que le fruit qui désaltère est un poison qui me tuera. Comte, dit ordinaire d'une voix irritée. Comte, reprit-il d'un ton de reproche et de pitié. Suis-je contraint de me fier à vous, répondit Schumacher, à vous qui prenez toujours en ma présence le parti de l'implacable Guldenlow? Le vice-roi, interrompit gravement le jeune homme, vient d'ordonner que vous seriez à l'avenir libre et sans garde dans l'intérieur de tout le donjon du lion de Schleswig. C'est une nouvelle que j'ai recueillie à Bergen et que vous recevrez sans doute prochainement. C'est une faveur que je n'osais espérer, et je croyais n'avoir parlé de mon désir qu'à vous seul. Au surplus, on diminue le poids de mes fers à mesure que celui de mes années s'accroît. Et quand les infirmités m'auront rendu impotent, on me dira sans doute « Vous êtes libre !» À ces mots, le vieillard sourit amèrement. Il continua. « Et vous, jeune homme, avez-vous toujours vos folles idées d'indépendance ?»« Si je n'avais point ces folles idées, je ne serais pas ici. »« Comment êtes-vous venu à Drontheim ?»« Eh bien, à cheval !»« Comment êtes-vous venu à Munkholm ?» Sur une barque. Pauvre insensé, qui croit être libre et qui passe d'un cheval dans une barque. Ce ne sont point tes membres qui exécutent tes volontés. C'est un animal, c'est la matière, et tu appelles cela des volontés. Je force des êtres à m'obéir. Prendre sur certains êtres le droit d'en être obéi, c'est donner à d'autres celui de vous commander. L'indépendance n'est que dans l'isolement. Vous n'aimez pas les hommes, noble comte ? Le vieillard se mit à rire tristement. Je pleure d'être homme, et je ris de celui qui me console. Vous le saurez, si vous l'ignorez encore. Le malheur rend défiant, comme la prospérité rend ingrat. Écoutez, puisque vous venez de Bergen, apprenez-moi quel vent favorable a soufflé sur le capitaine d'Ispolsen. Il faut qu'il lui soit arrivé quelque chose d'heureux, puisqu'il m'oublie. » Ordeneur devint sombre et embarrassé. « Dispolsen, seigneur comte, c'est pour vous en parler que je suis venu dès aujourd'hui. Je sais qu'il avait toute votre confiance. »« Vous le savez ?» interrompit le prisonnier avec inquiétude. « Vous vous trompez. Nul être au monde n'a ma confiance. Dispolsen, tiens, il est vrai, entre ses mains mes papiers, des papiers même très importants. C'est pour moi qu'il est allé à Copenhague, près du roi. J'avouerai même que je comptais plus sur lui que sur tout autre, car dans ma puissance, je ne lui avais jamais rendu service. Eh bien, noble comte, je l'ai vu aujourd'hui. Votre trouble me dit le reste. Il est traître. Il est mort. Mort ? Le prisonnier croisa ses bras et baissa la tête, puis relevant son œil vers le jeune homme. « Quand je vous disais qu'il lui était arrivé quelque chose d'heureux !» Puis son regard se tourna vers la muraille où étaient suspendus les signes de ses grandeurs détruites, et il fit un geste de la main comme pour éloigner le témoin d'une douleur qu'il s'efforçait de vaincre. « Ce n'est pas lui que je plains, ce n'est qu'un homme de moins. » Ce n'est pas moi, qu'ai-je à perdre, mais ma fille infortunée. Je serai la victime de cette infâme machination. Et que deviendra-t-elle si on lui enlève son père ? Il se retourna vivement vers ordinaire. Comment est-il mort ? Où l'avez-vous vu ? Je l'ai vu au Splaggest. On ne sait s'il est mort d'un suicide ou d'un assassinat. Voici maintenant l'important. S'il a été assassiné, je sais d'où le coup part. Alors, tout est perdu. Il m'apportait les preuves du complot qu'il trame contre moi. Ces preuves auraient pu me sauver et les perdre. Ils ont su les détruire. Malheureuse est-elle. Seigneur comte, dit Ordener en saluant, je vous dirai demain s'il a été assassiné. Schumacher, sans répondre, suivit Ordener qui sortait, d'un regard où se peignait le calme du désespoir, plus effrayant que le calme de la mort. Ordener était dans l'antichambre solitaire du prisonnier, sans savoir de quel côté se diriger. La soirée était avancée et la salle obscure. Il ouvrit une porte au hasard et se trouva dans un immense corridor, éclairé seulement par la lune, qui courait rapidement à travers de pâles nuées. Ces lueurs nébuleuses tombaient par intervalles sur les vitraux étroits et élevés et dessinaient sur la muraille opposée comme une longue procession de fantômes qui apparaissaient et disparaissaient simultanément dans les profondeurs de la galerie. Le jeune homme se signa lentement et marcha vers une lumière rougeâtre qui brillait faiblement à l'extrémité du corridor. Une porte était entr'ouverte. Une jeune fille agenouillée dans un oratoire gothique, au pied d'un simple autel, récitait à demi-voix les litanies de la Vierge. Oraison simple et sublime, où l'âme qui s'élève vers la mère des sept douleurs ne la prie que de prier. Cette jeune fille était vêtue de crêpes noires et de gaze blanche, comme pour faire deviner en quelque sorte, au premier aspect, que ses jours s'étaient enfuis jusqu'alors dans la tristesse et dans l'innocence. Même en cette attitude modeste, elle portait dans tout son être l'empreinte d'une nature singulière. Ses yeux et ses longs cheveux étaient noirs, beauté très rare dans le Nord. Son regard élevé vers la voûte paraissait plutôt enflammé par l'extase qu'éteint par le recueillement. Enfin, on eût dit une vierge des rives de Chypre ou des campagnes de Tibur, revêtue des voiles fantastiques d'Ossian et prosternée devant la croix de bois et l'autel de pierre de Jésus. Ordener tressaillit et fut prêt à défaillir, car il reconnut celle qui priait. Elle pria pour son père, pour le puissant tombé, pour le vieux captif abandonné, et elle récita à haute voix le psaume de la délivrance. Elle pria encore pour un autre, mais Ordener n'entendit pas le nom de celui pour qui elle priait. Il ne l'entendit pas, car elle ne le prononça pas. Seulement, elle récita le cantique de la Sulamite, l'épouse qui attend l'époux, et le retour du bien-aimé. Ordener s'éloigna dans la galerie. Il respecta cette vierge qui s'entretenait avec le ciel. La prière est un grand mystère, et son cœur s'était rempli, malgré lui, d'un ravissement inconnu, mais profane. La porte de l'oratoire se ferma doucement. Bientôt une lumière et une femme blanche dans les ténèbres vinrent de son côté. Il s'arrêta, car il éprouvait une des plus violentes émotions de la vie. Il s'adossa à l'obscure muraille. Son corps était faible, et les os de ses membres s'entrechoquaient dans leurs jointures. Et dans le silence de tout son être, les battements de son cœur retentissaient à son oreille. Quand la jeune fille passa, elle entendit le froissement d'un manteau et une haleine brusque et précipitée. « Dieu ! » cria-t-elle. Ordener s'élança. D'un bras, il la soutint, de l'autre, il chercha vainement à retenir la lampe qu'elle avait laissée échapper et qui s'éteignit. « C'est moi !» dit-il doucement. « C'est Ordener !» dit la jeune fille, car le dernier retentissement de cette voix, qu'elle n'avait pas entendue depuis un an, était encore dans son oreille, et la lune qui passait éclaira la joie de sa charmante figure. Puis elle reprit, timide et confuse, et se dégageant des bras du jeune homme, « C'est le Seigneur Ordener !» « C'est lui, comtesse, est-elle. »« Pourquoi m'appelez-vous comtesse ?»« Pourquoi m'appelez-vous seigneur ?» La jeune fille se tut et sourit. Le jeune homme se tut et soupira. Elle rompit la première le silence. « Comment donc êtes-vous ici ? » Faites-moi merci si ma présence vous afflige. J'étais venu pour parler au comte, votre père. Ainsi, dit Ethel d'une voix altérée, vous n'êtes venu que pour mon père. Le jeune homme baissa la tête, car ses paroles lui semblaient bien injustes. Il y a sans doute déjà longtemps, continua la jeune fille d'un ton de reproche, il y a sans doute déjà longtemps que vous êtes à Drontheim. Votre absence de ce château n'a pu vous paraître longue, à vous. Ordener, profondément blessé, ne répondit pas. Je vous approuve, dit la prisonnière d'une voix tremblante de douleur et de colère. Mais, ajouta-t-elle d'un ton fier, j'espère, seigneur Ordener, que vous ne m'avez pas entendu prier. Comtesse, répondit enfin le jeune homme, je vous ai entendu. Ah, seigneur Ordener, il n'est point courtois d'écouter ainsi. Je ne vous ai pas écouté, noble comtesse, dit faiblement Ordener. Je vous ai entendu. J'ai prié pour mon père, reprit la jeune fille en le regardant fixement, et comme attendant une réponse à cette parole toute simple. Ordener garda le silence. J'ai aussi prié, continua-t-elle, inquiète et paraissant attentive à l'effet que ces paroles allaient produire sur lui. J'ai aussi prié pour quelqu'un qui porte votre nom, pour le fils du vice-roi, du comte de Guldenlow, car il faut prier pour tout le monde, même pour ses persécuteurs. Et la jeune fille rougit, car elle pensait mentir. Mais elle était piquée contre le jeune homme, et elle croyait l'avoir nommé pendant sa prière. Elle ne l'avait nommé que dans son cœur. Ordener Guldenlow est bien malheureux, noble dame, si vous le comptez au nombre de vos persécuteurs. Il est bien heureux, cependant, d'occuper une place dans vos prières. Oh non ! Dit elle troublée et effrayée de l'air froid du jeune homme. Non, je ne priais pas pour lui. J'ignore ce que j'ai fait, ce que je fais. Quant au fils du vice-roi, je le déteste, je ne le connais pas. Ne me regardez pas de cet œil sévère. Vous ai-je offensé ? Ne pouvez-vous rien pardonner à une pauvre prisonnière, vous qui passez vos jours près de quelques belles et nobles dames libres et heureuses comme vous ? Moi, comtesse ? S'écria Ordener. Ethel versait des larmes. Le jeune homme se précipita à ses pieds. Ne m'avez-vous pas dit, continua-t-elle, souriant à travers ses pleurs, que votre absence vous avait semblé courte ? Qui ? Moi, comtesse ? Ne m'appelez pas ainsi, dit-elle doucement. Je ne suis plus comtesse pour personne, et surtout pour vous. Le jeune homme se leva violemment et ne put s'empêcher de la presser sur son cœur dans un ravissement convulsif. Eh bien, mon Ethel adorée, nomme-moi ton Ordener, dis-moi. Et il attacha un regard brûlant sur ses yeux mouillés de larmes. Dis-moi, tu m'aimes donc ? Ce que dit la jeune fille ne fut pas entendu, car Ordener, hors de lui, avait ravi sur ses lèvres, avec sa réponse, cette première faveur, ce baiser sacré qui suffit aux yeux de Dieu pour changer deux amants en époux. Tous deux restèrent sans parole, parce qu'ils étaient dans un de ces moments solennels, si rares et si courts sur la terre, où l'âme semble éprouver quelque chose de la félicité des cieux. Ce sont des instants indéfinissables, que ceux où deux âmes s'entretiennent ainsi dans un langage qui ne peut être compris que d'elles. Alors, tout ce qu'il y a d'humain se tait, et les deux êtres immatériels s'unissent mystérieusement pour la vie de ce monde et l'éternité de l'autre. Ethel s'était lentement retirée des bras d'Ordener, et, aux lueurs de la lune, il se regardait avec ivresse. Seulement, l'œil de flamme du jeune homme respirait un mâle orgueil et un courage de lion, tandis que le regard demi-voilé de la jeune fille était empreint de cette pudeur, honte angélique, qui, dans le cœur d'une vierge, se mêle à toutes les joies de l'amour. « Tout à l'heure, dans ce corridor, dit-elle enfin, vous m'évitiez donc, mon Ordener ? Je ne vous évitais pas. J'étais comme le malheureux aveugle que l'on rend à la lumière après de longues années et qui se détourne un moment du jour. C'est à moi plutôt que s'applique votre comparaison, car durant votre absence, je n'ai eu d'autre bonheur que la présence d'un infortuné, de mon père. Je passais mes longues journées à le consoler et, ajouta-t-elle en baissant les yeux, à vous espérer. Je lisais à mon père les fables de Léda, et quand je l'entendais douter des hommes, je lui lisais l'Évangile, pour qu'au moins il ne doutât pas du ciel. Puis je lui parlais de vous, et il se taisait, ce qui prouve qu'il vous aime. Seulement, quand j'avais inutilement passé mes soirées à regarder de loin sur les routes les voyageurs qui arrivaient, et dans le port les vaisseaux qui abordaient, il secouait la tête avec un sourire amer, et je pleurais. Cette prison où s'est jusqu'ici passée toute ma vie m'était devenue odieuse, et pourtant mon père, qui, jusqu'à votre apparition, l'avait toujours rempli pour moi, y était encore. Mais vous n'y étiez plus, et je désirais cette liberté que je ne connaissais pas. » Il y avait dans les yeux de la jeune fille, dans la naïveté de sa tendresse, dans la douce hésitation de ses épanchements, un charme que des paroles humaines n'exprimeraient pas. Ordener l'écoutait avec cette joie rêveuse d'un être qui serait enlevé au monde réel pour assister au monde idéal. « Et moi, dit-il, maintenant je ne veux plus de cette liberté que vous ne partagez pas. Quoi, Ordener ? Reprit vivement Ethel. Vous ne nous quitterez donc plus ? Cette expression rappela au jeune homme tout ce qu'il avait oublié. Mon Ethel, il faut que je vous quitte ce soir. Je vous reverrai demain, et demain je vous quitterai encore, jusqu'à ce que je revienne pour ne plus vous quitter. Hélas ! Interrompit douloureusement la jeune fille. « Absent encore ? Je vous répète, ma bien-aimée Ethel, que je reviendrai bientôt vous arracher de cette prison ou m'y ensevelir avec vous. » « Prisonnière avec lui, dit-elle doucement. Ah, ne me trompez pas. Faut-il que j'espère tant de bonheur ? Quel serment te faut-il ? Que veux-tu de moi ? S'écria Ordener. « Dis-moi, mon Ethel, n'es-tu pas mon épouse ?» Et, transporté d'amour, il la serrait fortement contre sa poitrine. « Je suis à toi » murmura-t-elle faiblement. Ces deux cœurs, nobles et purs, battaient ainsi avec délice l'un contre l'autre, et n'en étaient que plus nobles et plus purs. En ce moment, un violent éclat de rire se fit entendre auprès d'eux. Un homme, enveloppé d'un manteau, découvrit une lanterne sourde qu'il y avait cachée et dont la lumière éclaira subitement la figure effrayée et confuse d'Ethel et le visage étonné et fier d'Ordener. « Courage, mon joli couple, courage ! Mais il me semble qu'après avoir cheminé si peu de temps dans le pays du tendre, vous n'avez pas suivi tous les détours du ruisseau du sentiment. » et que vous avez dû prendre un chemin de traverse pour arriver si vite au hameau du baiser. » Nos lecteurs ont sans doute reconnu le lieutenant admirateur de Mademoiselle de Scudéry. Arraché de la lecture de la Clélie par le beffroi de minuit, que les deux amants n'avaient pas entendu, il était venu faire sa ronde nocturne dans le donjon. En passant à l'extrémité du corridor de l'Orient, il avait recueilli quelques paroles et vu comme deux spectres se mouvoir dans la galerie à la clarté de la lune. Alors, naturellement curieux et hardi, il avait caché sa lanterne sous son manteau et s'était avancé sur la pointe du pied près des deux fantômes, que son brusque éclat de rire venait d'arracher désagréablement à leur extase. Ethel fit un mouvement pour fuir Ordener, puis, revenant à lui comme par instinct et pour lui demander protection, elle cacha sa tête brûlante dans le sein du jeune homme. Celui-ci releva la sienne avec un orgueil de roi. « Malheur, dit-il, malheur à celui qui vient de t'effrayer et de t'affliger, mon Ethel. Oui, vraiment, dit le lieutenant. Malheur à moi si j'avais eu la maladresse d'épouvanter la tendre madame. Seigneur lieutenant, dit Ordener d'un ton hautain, je vous engage à vous taire. Seigneur insolent, répliqua l'officier, je vous engage à vous taire. M'entendez-vous? Reprit Ordener d'une voix tonnante. Achetez votre pardon par le silence. Tibi tua, répondit le lieutenant. Prenez vos avis pour vous. Achetez votre pardon par le silence. Taisez-vous! S'écria Ordener avec une voix qui fit trembler les vitraux. Et déposant la tremblante jeune fille sur un des vieux fauteuils du corridor, il secoua énergiquement le bras de l'officier. Oh, paysan! Dit le lieutenant, moitié riant, moitié irrité. Vous ne remarquez pas que ce pourpoint que vous froissez si brutalement est du plus beau velours d'Abingdon? Ordener le regarda fixement. Lieutenant, ma patience est plus courte que mon épée. Je vous entends, mon brave damoiselle, dit le lieutenant avec un sourire ironique. Vous voudriez bien que je vous fisse un tel honneur. Mais savez-vous qui je suis? Non, non, s'il vous plaît, prince contre prince, berger contre berger, comme disait le beau Léandre. S'il faut tout dire, lâche contre lâche, reprit Ordener. Assurément, je n'aurai point l'insigne honneur de me mesurer avec vous. Je me fâcherais, mon très honorable berger, si vous portiez seulement l'uniforme. « Je n'en ai ni les galons ni les franges, lieutenant, mais j'emporte le sabre. » Le fier jeune homme, rejetant son manteau en arrière, avait mis sa toque sur sa tête et saisi la garde de son sabre, lorsque Ethel, réveillée par ce danger imminent, se précipita sur son bras et s'attacha à son cou avec un cri de terreur et de prière. Vous faites sagement, ma belle damoiselle, si vous ne voulez pas que le jouvencel soit puni de ses hardiesses, dit le lieutenant, qui, aux menaces d'Ordener, s'était mis en garde sans s'émouvoir. Car Cyrus allait se brouiller avec Cambyse, pourvu toutefois que ce ne soit pas faire trop d'honneur à ce vassal que de le comparer à Cambyse. Au nom du ciel, seigneur Ordener, disait-elle. Que je ne sois pas la cause et le témoin d'un pareil malheur. Puis, levant sur lui ses beaux yeux, elle ajouta « Ordener, je t'en supplie !» Ordener repoussa lentement dans le fourreau la lame à demi tirée, et le lieutenant s'écria « Par ma foi, chevalier, j'ignore si vous l'êtes, mais je vous en donne le titre, parce que vous paraissez le mériter. » Moi et vous agissons suivant les lois de la bravoure, mais non suivant celles de la galanterie. La damoiselle a raison. Des engagements comme celui que je vous crois digne de nouer avec moi ne doivent pas avoir des dames pour témoins. Quoique, n'en déplaise à la charmante damoiselle, ils puissent avoir des dames pour cause. Nous ne pouvons donc ici convenablement parler que du duellum remotum. Et comme l'offensé, si vous voulez renfixer l'époque, le lieu et les armes, ma fine lame de Tolède ou mon poignard de Mérida seront à la disposition de votre hachoir, sorti des forges d'Ascreut, ou de votre couteau de chasse, trempé dans le lac de Sparkbow. Le duel à journée que l'officier proposait à Ordener était en usage dans le Nord, d'où les savants prétendent que la coutume du duel est sortie. Les plus vaillants gentilshommes proposaient et acceptaient le duellum remotum. On le remettait à plusieurs mois, quelquefois à plusieurs années, et durant cet intervalle, les adversaires ne devaient s'occuper ni en parole ni en action de l'affaire qui avait amené le défi. Ainsi, en amour, les deux rivaux s'abstenaient de voir leur maîtresse, afin que les choses restassent dans le même état. On se reposait à cet égard sur la loyauté des chevaliers. Comme dans les anciens tournois, si les juges du camp, croyant la loi courtoise violée, jetaient leurs bâtons dans l'arène, à l'instant, tous les combattants s'arrêtaient. Mais jusqu'à l'éclaircissement du doute, la gorge du vaincu restait à la même distance de l'épée du vainqueur. « Eh bien, chevalier, » dit Ordener après un moment de réflexion, « un messager vous instruira du lieu. »« Soit, » répondit le lieutenant, « d'autant mieux que cela me donnera le temps d'assister aux cérémonies du mariage de ma sœur. » Car vous saurez que vous aurez l'honneur de vous battre avec le futur beau-frère d'un haut seigneur, du fils du vice-roi de Norvège, du baron Ordener Gundenlo, lequel, à l'occasion de cet illustre hyménée, comme dit Artamène, va être créé comte de Danaskjold, colonel et chevalier de l'éléphant. Et moi-même, qui suis le fils du grand chancelier des deux royaumes, je serai sans doute nommé capitaine. « fort bien, lieutenant Haefeld, » dit Ordener avec impatience. « Vous n'êtes point encore capitaine, ni le fils du vice-roi-colonel. Et les sabres sont toujours des sabres. Et les rustres toujours des rustres, quoi qu'on fasse pour les élever jusqu'à soi, » dit entre ses dents l'officier. « Chevalier, » continua Ordener, « vous connaissez la loi courtoise. Vous n'entrerez plus dans ce donjon, et vous garderez le silence sur cette affaire. Pour le silence, rapportez-vous-en à moi. Je serai aussi muet que Musce Cevolle lorsqu'il eut le poing sur le brasier. Je n'entrerai non plus dans le donjon, ni moi, ni aucun Argus de la garnison, car je viens de recevoir un ordre d'y laisser à l'avenir Schumacher sans garde, ordre que j'étais chargé de lui communiquer ce soir. Ce que j'aurais fait, si je n'avais passé une partie de la soirée à essayer de nouvelles bottines de Cracovie. Cet ordre, entre nous, est bien imprudent. Voulez-vous que je vous montre mes bottines ? Pendant cette conversation, Ethel, les voyant apaisées et ne comprenant pas ce que c'était qu'un duellum remotum, avait disparu, après avoir dit doucement à l'oreille d'Ordener « À demain !» « Je voudrais, lieutenant d'Alefeld, que vous m'aidassiez à sortir du fort. »« Volontiers, » dit l'officier, « quoiqu'il soit un peu tard, ou plutôt de bien bonne heure. Mais comment trouverez-vous une barque ?»« Cela me regarde, » dit Ordener. Alors, s'entretenant de bonne amitié, ils traversèrent le jardin, la cour circulaire, la cour carrée, sans qu'Ordener, conduit par l'officier de ronde, éprouva d'obstacles. Ils franchirent la grande herse, le hangar de l'artillerie, la place d'armes, et arrivèrent à la tour basse, dont la porte de fer s'ouvrit à la voix du lieutenant. « Au revoir, lieutenant d'Alefeld, » dit Ordener. « Au revoir, » répondit l'officier. « Je déclare que vous êtes un brave champion, quoique j'ignore qui vous êtes, et si ceux de vos pères que vous amènerez à notre rendez-vous auront qualité pour prendre le titre de parrain, et ne devront pas se borner au nom modeste d'assistant. » Ils se serrèrent la main, la porte de fer se referma, et le lieutenant retourna, en fredonnant un air de Lully, admirer ses bottes polonaises et le roman français. Ordener, resté seul sur le seuil, quitta ses vêtements, qu'il enveloppa de son manteau, et attacha sur sa tête avec le ceinturon de son sabre. Puis, mettant en pratique les principes d'indépendance de Schumacher, il s'élança dans l'eau froide et calme du golfe et commença à nager au milieu de l'obscurité, vers le rivage, en se dirigeant du côté de Splaggest, destination où il était toujours à peu près sûr d'arriver, mort ou vif. Les fatigues de la journée l'avaient épuisé. Aussi n'aborda-t-il que très péniblement. Il se rhabilla à la hâte et marcha vers le Splaggest qui se dessinait dans la place du port comme une masse noire, car depuis quelque temps la lune s'était entièrement voilée. En approchant de cet édifice, il entendit comme un bruit de voix. Une lumière faible sortait par l'ouverture supérieure. Étonné, il frappa violemment à la porte carrée. Le bruit cessa, la lueur disparut. Il frappa de nouveau. La lumière, en reparaissant, lui laissa voir quelque chose de noir sortir par l'orifice supérieur et se blottir sur le toit plat du bâtiment. Ordener frappa une troisième fois avec le pommeau de son sabre et cria « Ouvrez, de par sa majesté le roi ! Ouvrez, de par sa sérénité le vice-roi !» La porte s'ouvrit enfin lentement et Ordener se trouva face à face avec la longue figure pâle et maigre de Spiagudry, qui, les habits en désordre, l'œil hagard, les cheveux hérissés, les mains ensanglantées, portait une lampe sépulcrale dont la flamme tremblait encore moins visiblement que son grand corps. Chapitre 6. Pyrrho, jamais. Angelo. Quoi ? Je crois que tu veux faire l'homme de bien, misérable, si tu dis un seul mot. Pyrrho. « Mais, Angelo, je t'en conjure, pour l'amour de Dieu !» Angelo. « Laisse faire ce que tu ne peux empêcher. » Pyrrho. « Ah ! Quand le diable vous tient par un cheveu, il faut lui abandonner toute la tête. Malheureux que je suis !» Emilia Galotti. Une heure environ après que le jeune voyageur à la plume noire était sorti du Splatgest, la nuit étant tout à fait tombée, et la foule entièrement écoulée, Ogli Piglap avait fermé la porte extérieure de l'édifice funèbre, tandis que son maître, Spiagudry, arrosait pour la dernière fois les corps qui y étaient déposés. Puis tous deux s'étaient retirés dans leur très peu somptueux appartement, et tandis qu'Ogli Piglap dormait sur son petit grabat, comme l'un des cadavres confiés à sa garde, le vénérable Spiagudry, assis devant une table de pierre couverte de vieux livres, de plantes desséchées et d'ossements décharnés, s'était plongé dans les graves études qui, bien que réellement fort innocentes, n'avaient pas peu contribué à lui donner parmi le peuple une réputation de sorcellerie et de diablerie, fâcheux apanage de la science à cette époque. Il y avait plusieurs heures qu'il était absorbé dans ses méditations. Et, prêt enfin à quitter ses livres pour son lit, il s'était arrêté à ce passage lugubre de Thormodus Torfus. Quand un homme allume sa lampe, la mort est chez lui avant qu'elle soit éteinte. « N'en déplaise au savant docteur, se dit-il à demi-voix, il n'en sera point ainsi chez moi ce soir. » Et il prit sa lampe pour la souffler. « Spiagudry ! » cria une voix qui sortait de la salle des cadavres. Le vieux concierge trembla de tous ses membres. Ce n'est pas qu'il crût, comme tout autre peut-être à sa place, que les tristes hôtes du Splatgest s'insurgeaient contre leur gardien. Il était assez savant pour ne pas éprouver de ces terreurs imaginaires. Et la sienne n'était si réelle que parce qu'il connaissait trop bien la voix qu'il appelait. « Spiagudry !» répéta violemment la voix. « Faudra-t-il, pour te faire entendre, que j'aille t'arracher les oreilles ?»« Que saint hospice ait pitié, non de mon âme, mais de mon corps !» dit l'effrayé vieillard. Et d'un pas que la peur pressait et ralentissait à la fois, il se dirigea vers la seconde porte latérale qu'il ouvrit. Nos lecteurs n'ont pas oublié que cette porte communiquait à la salle des morts. La lampe qu'il portait éclaira alors un tableau bizarrement hideux. D'un côté, le corps maigre, long et légèrement voûté de Spiagudry. De l'autre, un homme petit, épais et trapu, vêtu de la tête aux pieds de peaux de toutes sortes d'animaux encore teintes, d'un sang desséché, et debout au pied du cadavre de Gilles Statt, qui, avec ceux de la jeune fille et du capitaine, occupait le fond de la scène. Ces trois muets témoins, ensevelis dans une sorte de pénombre, étaient les seuls qui pussent voir, s'enfuir épouvantés, les deux vivants dont l'entretien commençait. Les traits du petit homme, que la lumière faisait vivement ressortir, avaient quelque chose d'extraordinairement sauvage. Sa barbe était rousse et touffue, et son front, caché sous un bonnet de peau d'élan, paraissait hérissé de cheveux de même couleur. Sa bouche était large, ses lèvres épaisses, ses dents blanches, aiguës et séparées, son nez recourbé comme le bec de l'aigle, et son œil gris, bleu, extrêmement mobile, lançait sur Spiagudry un regard oblique, où la férocité du tigre n'était tempérée que par la malice du singe. Ce personnage singulier était armé d'un large sabre, d'un poignard sans fourreau et d'une hache à tranchant de pierre, sur le long manche de laquelle il était appuyé. Ses mains étaient couvertes de gros gants de peau de renard bleu. « Ce vieux spectre m'a fait attendre bien longtemps, » dit-il, se parlant à lui-même. Et il poussa une espèce de rugissement comme une bête des bois. Spiagudry aurait certainement pâli d'effroi, s'il eût pu pâlir. « Sais-tu bien, » poursuivit le petit homme en s'adressant à lui directement, « que je viens des grèves d'Urkstal. Avais-tu donc envie, en me retardant, d'échanger la couche de paille contre une de ces couches de pierre ?» Le tremblement de Spiagudry redoubla. Les deux seules dents qui lui restaient s'entrechoquèrent avec violence. « Pardonnez, maître, » dit-il en courbant l'arc de son grand corps jusqu'au niveau du petit homme. « Je dormais d'un profond sommeil. Veux-tu que je te fasse connaître un sommeil plus profond encore ?» Spiagudry fit une grimace de terreur, qui seule pouvait être plus plaisante que ses grimaces de gaieté. « Eh bien, qu'est-ce ? » continua le petit homme. « Qu'as-tu ? Est-ce que ma présence ne t'est pas agréable ?»« Oh, mon maître et seigneur, » répondit le vieux concierge, « il n'est certainement pas pour moi de bonheur plus grand que la vue de votre excellence. » Et l'effort qu'il faisait pour donner à sa physionomie effrayée une expression riante eût déridé tout autre que des morts. « Vieux renard sans queue, mon excellence t'ordonne de me remettre les vêtements de Gilles Stadt. » En prononçant ce nom, le visage farouche et railleur du petit homme devint sombre et triste. « Oh, maître, pardonnez, je ne les ai plus, » dit Spiagudry. « Votre grâce sait que nous sommes obligés de livrer au fisc royal les dépouilles des ouvriers des mines, dont le roi hérite en sa qualité de leur tuteur né. » Le petit homme se tourna vers le cadavre, croisa les bras et dit d'une voix sourde. « Il a raison. Ces misérables mineurs sont comme l'Eider. » Footnote, oiseau qui donne l'édredon. Les paysans norvégiens lui construisent des nids où ils le surprennent et le plument. On lui fait son nid, on lui prend son duvet. Puis, soulevant le cadavre entre ses bras et l'étreignant fortement, il se mit à pousser des cris sauvages d'amour et de douleur, pareils au grondement d'un ours qui caresse son petit. À ces sons inarticulés se mêlaient par intervalles quelques mots d'un jargon étrange que Spiagudry ne comprenait pas. Il laissa retomber le cadavre sur la pierre et se tourna vers le gardien. « Sais-tu, sorcier maudit, le nom du soldat né sous un mauvais astre qui a eu le malheur d'être préféré à Gilles par cette fille ?» Et il poussa du pied les restes froids de Gudstersen. Spiagudry fit un signe négatif. « Eh bien, par la hache d'Ingolf, le chef de ma race, j'exterminerai tous les porteurs de cet uniforme. » Et il désignait les vêtements de l'officier. « Celui dont je veux la vengeance se trouvera dans le nombre. J'incendierai toute la forêt pour brûler l'arbuste vénéneux qu'elle renferme. Je l'ai juré, du jour où Gilles est mort. Et je lui ai donné déjà un compagnon qui doit réjouir son cadavre. Oh, Gilles, te voilà donc là, sans force et sans vie. Toi qui atteignais le phoque à la nage, le chamois à la course, toi qui étouffais l'ours des monts de Collé à la lutte. Te voilà immobile. Toi qui parcourais le Drautheimus depuis l'Orkel jusqu'au lac de Smiaisen en un jour. Toi qui gravissais les pics de Dofrefield, comme l'écureuil gravit le chêne. Te voilà, muet, Gilles. Toi qui, debout sur les sommets orageux du Kongsberg, chantais plus haut que le tonnerre. Oh, Gilles, c'est donc en vain que j'ai comblé pour toi les mines de Faroer. C'est en vain que j'ai incendié l'église cathédrale de Trondheim. Toutes mes peines sont perdues, et je ne verrai pas se perpétuer en toi la race des enfants d'Islande, la descendance d'Ingolf l'exterminateur. Tu n'hériteras pas de ma hache de pierre, et c'est toi, au contraire, qui me lègues ton crâne pour y boire désormais l'eau des mers et le sang des hommes. » À ces mots, saisissant la tête du cadavre, « Spiagudry, dit-il, aide-moi !» Et arrachant ses gants, il découvrit ses larges mains, armées d'ongles longs, durs et retors, comme ceux d'une bête fauve. Spiagudry, qui le vit prêt à faire sauter avec son sabre le crâne du cadavre, s'écria avec un accent d'horreur qu'il ne put réprimer. « Juste Dieu, maître, à mort !»« Eh bien, répliqua tranquillement le petit homme, aimes-tu mieux que cette lame s'aiguise ici sur un vivant ?» Oh, permettez-moi de supplier votre courtoisie. Comment votre excellence peut-elle profaner ? Votre grâce, Seigneur, votre sérénité ne voudra pas. Finiras-tu ? Ai-je besoin de tous ces titres, squelette vivant, pour croire à ton profond respect pour mon sabre ? Par Saint Valdemar, par Saint Usuf, au nom de Saint Hospice, épargnez un mort. Aide-moi et ne parle pas des saints au diable. Seigneur, poursuivit le suppliant Spiagudry, par votre illustre aïeul Saint Ingolf. Ingolf l'exterminateur était un réprouvé comme moi. Au nom du ciel, dit le vieillard en se prosternant, c'est cette réprobation que je veux vous éviter. L'impatience transporta le petit homme. Ses yeux gris et ternes brillèrent comme deux charbons ardents. « Aide-moi » répéta-t-il en agitant son sabre. Ces deux mots furent prononcés de la voix dont les prononcerait un lion, s'il parlait. Le concierge, tremblant et à demi-mort, s'assit sur la pierre noire et soutint de ses mains la tête froide et humide de Gilles, tandis que le petit homme, à l'aide de son poignard et de son sabre, enlever le crâne avec une dextérité singulière. Quand cette opération fut terminée, il considéra quelque temps le crâne sanglant, en proférant des paroles étranges. Puis il le remit à Spiagudry pour qu'il le dépouillât et le lavât, et dit en poussant une espèce de hurlement, « Et moi, je n'aurai pas en mourant la consolation de penser qu'un héritier de l'âme d'Ingolf boira dans mon crâne le sang des hommes et l'eau des mers. » Après une sinistre rêverie, il continua. L'ouragan est suivi de l'ouragan. L'avalanche entraîne l'avalanche. Et moi, je serai le dernier de ma race. Pourquoi Gilles n'a-t-il pas haï comme moi tout ce qui porte la face humaine ? Quel démon ennemi du démon d'Ingolf l'a poussé sous ses fatales mines à la recherche d'un peu d'or ? Spiagudry, qui lui rapportait le crâne de Gilles, l'interrompit. « L'excellence a raison. L'or lui-même, dit Snorro Sturleson, s'achète souvent trop cher. »« Tu me rappelles, dit le petit homme, une commission dont il faut que je te charge. » « Voici une boîte de fer que j'ai trouvée sur cet officier, dont tu n'as pas, comme tu le vois, toutes les dépouilles. Elle est si solidement fermée qu'elle doit renfermer de l'or, seule chose précieuse aux yeux des hommes. Tu la remettras à la veuve Stadt, au hameau de Torktree, pour lui payer son fils. » Il tira alors de son havresac de peau de renne un très petit coffre de fer. Spiagudry le reçut et s'inclina. « Remplis fidèlement mon ordre !» dit le petit homme en lui lançant un regard perçant. « Songe que rien n'empêche deux démons de se revoir. Je te crois encore plus lâche qu'avare, et tu me réponds de ce coffre. « Oh, maître, sur mon âme !»« Non pas, sur tes os et sur ta chair !» En ce moment, la porte extérieure du Splatgest retentit d'un coup violent. Le petit homme s'étonna, Spiagudry chancela et couvrit sa lampe de sa main. « Qu'est-ce ? » s'écria le petit homme en grondant. « Et toi, vieux misérable, comment trembleras-tu donc quand tu entendras la trompette du jugement dernier ?» Un second coup plus fort se fit entendre. « Si quelque mort pressait d'entrer !» dit le petit homme. « Non, maître, murmura Spiagudry, on n'amène point de mort passé minuit. »« Mort ou vivant, il me chasse. » « Toi, Spiagudry, sois fidèle et muet. Je te jure, par l'esprit d'Ingolf et le crâne de Gilles, que tu passeras dans ton auberge de cadavres tout le régiment de Munkholm en revue. » Et le petit homme, attachant le crâne de Gilles à sa ceinture et remettant ses gants, s'élança avec l'agilité d'un chamois, et à l'aide des épaules de Spiagudry, par l'ouverture supérieure, où il disparut. Un troisième coup ébranla le Splatgest, et une voix du dehors ordonna d'ouvrir au nom du roi et du vice-roi. Alors le vieux concierge, à la fois agité par deux terreurs différentes, dont on pourrait nommer l'une de souvenir et l'autre d'espérance, s'achemina vers la porte carrée et l'ouvrit.